Raymond Poirier, animateur de l'émission La vie en BD au micro. Un plaisir, évidemment, d'être avec vous au fil de ce radioton et d'être avec vous jusqu'à 14h30 pour parler 9e art et pour vous donner une pléiade d'idées de lecture. Et pour ce faire, enfin, on va entrer dans la BDTech idéale de 3 invités, donc au fil des prochaines 90 minutes. On leur a demandé donc de nous offrir leur sélection, un peu leur sélection île déserte peut-être, donc ce qu'ils amèneraient, leur choix incontournable. Et donc, ces 3 personnes qui seront avec nous au fil de l'émission, eh bien, c'est 2 auteurs BD. Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Francis Desharnais, bonjour. Bonjour. Et un spécialiste de la BD qui est également professeur en la matière, Michel Giguère, bonjour. Raymond, je suis pas d'accord. Médiateur. Non, c'est parce que quand tu nous as écrit pour nous proposer l'émission, j'ai adoré ton thème parce que tu nous as écrit... La BD Tech Idéale. Non, c'était quelque chose comme les lectures de BD qui vous ont marqué. Alors moi, j'arrive avec un choix très subjectif. Je ne prétends pas proposer une BD Tech Idéale. C'est vraiment une espèce de démarche rétroactive de revenir en arrière. D'ailleurs, j'ai adoré ça. Et rétrospectivement, de me demander... C'est quoi les étapes, c'est quoi les lectures qui m'ont fait vraiment cheminer, élargir? Alors tout ça pour juste préciser que dans mon cas, ça ne sera pas les grandes BD amenées sur une île déserte. En fait, dans sa crise du nom, il ne faut pas s'en faire. Ça va passer. Rendu à 4 ans, ça arrête ça. Alors, je vais résumer le concept en 2 mots. Michel le fait en quelques phrases. Et je pense qu'à la maison, vous saisissez bien le type d'exercice qu'on va vous proposer donc au fil de ce segment. Alors, ben, pour commencer, premier segment, première BD Tech, ce sera celle de Philippe Girard. Vous l'avez lu au fil de nombreux albums. Récemment, Love Apocalypse chez Mécanique Générale. On l'a lu également avec Rewind, Tsui Velasquez, Les Ravins, La Fête des Morts, etc., etc. Et, ben, en fait, Philippe... De quelle manière, toi, en fait, tu as un peu abordé cet exercice-là? Parce que j'ai vu ta liste avant d'entrer en onde, justement, et c'est quand même un choix assez varié. J'ai l'impression que tu as été chercher différents types d'influences, différents types d'expériences de lecture. En fait, moi, j'ai voulu choisir des livres qui étaient un peu tombés dans ma vie par surprise. Donc, pas des albums que j'ai cherché à acheter, par exemple, plutôt des livres que j'ai découverts chez des bouquinistes ou qu'on m'a offert et qui ont été finalement d'heureuses surprises. Oui, il y a un plaisir à être surpris comme ça. Oui, exactement. Puis moi, je dois dire qu'en tant que lecteur, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est jamais d'aller acheter un livre en librairie, c'est plutôt de flâner, puis on est tombé sur quelque chose, prendre une chance, puis découvrir que j'ai eu la main chanceuse, si on veut. Donc, les livres de ma liste sont dans cette optique-là. En fait, c'est peut-être pas des livres qu'on retrouverait dans la section BD classique des librairies, mais moi, en tout cas, parce qu'ils m'ont souvent coûté pas cher ou parce qu'on me les a offerts, donc ils m'ont rien coûté. Et puis parce que j'avais aucune attente, finalement, j'ai été comme bouleversé de les découvrir. Et ça devient des albums qui sont liés peut-être à une anecdote, justement, à l'anecdote de la réception, de la découverte à ce moment-là, un sentiment de plaisir. Et si on donne un exemple concret... Parce que la tentation, en fait, quand on fait un exercice comme celui-là, évidemment, c'est de choisir Astérix chez Cléopâtre, je sais pas, Tintin et 7 boules de cristal, La balade de Dalton, je sais pas trop quoi. Mais évidemment, c'est des très bons livres, là, tout ça. Puis nécessairement, ça a bercé mon enfance, mais comment dire, c'est pas le même effet de surprise que ce dont je voulais parler. En fait, c'est une espèce de découverte vertigineuse d'une vraie, vraie, vraie surprise qui nous. Puis une vraie surprise de lecture en plus qui nous. En tout cas, moi, dans mon cas, mettons que me laisser sur le cul parce que je me disais, waouh, je l'avais vraiment pas vu venir, celle-là. Et je te lance un premier titre, Philippe. Exit de Benoît Joly. Ouais, Benoît Joly, donc auteur de BD du Québec, en fait, qui habite à Joliette. Mon auteur de BD préféré, vraiment. Le livre Exit, c'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée que j'ai le plus aimé dans ma vie. J'en ai parlé souvent, mais en tout cas, un album méconnu, je trouve, qui a pas eu toute la réception. En tout cas, qui a peut-être pas eu la notoriété qu'il méritait, même s'il a influencé beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs de BD. Qui a quand même été réédité, par exemple. Ça, exact. Il a été réédité, mais même la réédition est très difficile à trouver. Et il y a eu, en plus de ça, une édition parallèle à ça de tous les autres travaux de bande dessinée de Benoît Joly qui ont été publiés il y a quelques années. Ça s'appelle Hiatus, chez Mécanique Générale, qui avait même été nominé pour un prix au Festival de la BD de Québec il y a quelques années. Donc, c'est ça. Exit, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un théâtre aquatique. Ça semble très abstrait, tout ça, mais donc c'est l'histoire c'est une bande dessinée, en fait, qui fait une mise en abîme, malgré tout, très accessible de ce que c'est que le théâtre. Et de ce que c'est qu'une démarche d'auteur. Donc, moi, ça m'avait plu parce que j'ai découvert ce livre-là dans sa version photocopiée quand j'avais 14 ou 15 ans. Je marchais sur la rue Saint-Jean, je suis arrêté chez un libraire, il y avait ça à l'entrée dans un présentoir. Ça fait longtemps qu'il te suit. Ben, je veux dire, 5 $ à peu près, c'est ce que ça devait coûter pour acheter ce livre-là à l'époque. 5 $, c'était genre le montant que j'avais pour un mois dans mes poches. Fait que là, ben, j'ai sacrifié mon mois puis j'ai acheté ce petit truc photocopié-là que j'ai ramené chez nous. Puis je me rappelle, ça m'avait vraiment renversé. Les dessins sont magnifiques. C'est un dessin très épuré, très élégant, très aéré. Et c'est un livre, en fait, qui a l'air un peu abstrait quand on s'attarde, disons, au premier degré du propos. Mais si on se met dans la peau, donc, du personnage principal, qui est un auteur, qui se questionne, qui vit ses incertitudes, si on veut, qui se remet en question. Je pense que c'est un livre qui devient finalement assez facile à aborder. Et c'est magnifique, en plus. C'est vraiment très, très beau. C'est plein de poésie. Puis à permettre, en fait, dans la liste, j'ai l'impression, d'auteurs, justement, du Québec, il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on voit beaucoup, et il y a les autres. Et dans ces autres-là, quand on creuse un peu, bien, justement, on trouve des trésors cachés où on se rend compte qu'on en a échappé quelques-uns, peut-être. Mais en fait, je ne sais pas si on les a échappés, parce que Benoît, je lis. Là, moi, je me réfère, mettons, au moment où j'ai acheté le livre, c'est les années 80. La BD québécoise, dans ce temps-là, c'était déjà autre chose. Il y en avait moins, pour ainsi dire, il n'y en avait pas, en fait. Ou à peu près pas. C'était des publications très confidentielles dans un réseau très restreint. Il y avait des initiatives. C'est ça, il y avait beaucoup d'initiatives. Mais pas de synergie. Le rayonnement, disons, n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un gars qui était vraiment en avance sur son époque. Il était plus mature d'un point de vue graphique, puis il était plus mature d'un point de vue narratif. Sauf que, bon, c'est l'époque où l'Internet n'existait pas, il y avait de la difficulté à vendre son travail. C'était pas le même défi pour se diffuser, pour se faire connaître. Donc, aujourd'hui, c'est déjà très difficile. Là, c'est une montagne à surmonter, déjà, de se rendre jusqu'à l'étape de l'édition. Mais à l'époque, mettons, des années 80, c'était pratiquement impossible. Puis, je pense que c'est juste il était malchanceux pour ça, en fait. Il aurait démarré sa carrière d'auteur au début des années 90, là, comme les Michel Rabagliati et compagnie, puis il aurait probablement beaucoup plus de notoriété aujourd'hui. Et parallèlement, j'ai l'impression que dans ta liste, Philippe Girard, il y a quand même aussi un goût pour justement l'expérimentation, la recherche à travers d'autres titres. Je pense à Morlaque, par exemple, de Liv Tand. Mais en fait, oui, c'est vrai, là, j'aime les livres. Encore une fois, ce que j'ai voulu privilégier, moi, c'est les livres qui m'ont surpris. Parce que si on se contre pas d'histoire, là, quand Uderzo et Goscinny ont fait le premier Astérix, quand même, les autres aussi expérimentaient. Là. C'est juste que 50 ans plus tard, on a de la difficulté à s'en rendre compte parce que la formule a fait école, puis bon, il y a une tralée d'albums qui sont là pour nous montrer à quel point ça a bien fonctionné, mais il y a toujours au départ le risque d'essayer quelque chose, puis bon, comment dire, de se lancer puis de plonger. Les livres que j'ai choisis, c'est vrai qu'ils sont un peu comme ça. Morlaque, c'en est un exemple. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre qui est construit sur le schéma d'un jeu vidéo. Donc, quand on commence à la première page, il y a une seule case. Après ça, à un moment donné, il y a deux cases, trois cases. Et là, le sens de lecture nous montre qu'il y a deux chemins dans la page. Donc, si on choisit le chemin A, ben, on suit une histoire. Puis si on choisit le chemin B, c'est une deuxième histoire qui se déroule en parallèle. Puis évidemment, après ça, ces deux chemins-là se dédoublent encore. Tant et si bien que... Et ça, le lecteur le comprend en lisant. Là. Il n'y a pas de texte. Là, c'est un album qu'on parcourt, à travers les cases. Et c'est un jeu. Il s'est beaucoup amusé, Liv Tand, à faire ce livre-là. Dans le fond, essayer de prendre le lecteur par surprise, comme ça, avec les scénarios qui se multiplient et se dédoublent. Et... Moi, je trouve que c'est une belle prouesse scénaristique. Et en plus, les dessins sont magnifiques, encore une fois. Oui, même moi, je trouve que ce livre-là annonçait quasiment les tablettes puis les téléphones. Parce que t'as l'impression que si t'avais juste la case, tu pourrais... scroller en bon français, passer de l'une à l'autre. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. À la limite, peut-être une idée de réédition en profitant des moyens d'aujourd'hui, là, si on peut dire. Mais effectivement, il y a un plaisir en fait, à voir un auteur décomposer un peu le style, puis proposer un exercice au lecteur, en fait, où, je ne sais pas pour vous, mais en tant que lecteur des livres comme ça, ça demande une implication qui est différente. On n'a pas juste une implication au niveau de l'histoire, au niveau de l'implication émotive, de l'implication du rire, etc., mais c'est carrément une implication de construction, de construire, de comprendre, de décrypter l'histoire. Comme dans la musique, mettons, ou dans le cinéma, on s'attend pas aujourd'hui, par exemple, d'un cinéaste qui fasse le même film qu'on aurait fait en 1970. Ben, c'est la même chose pour la bande dessinée aussi. La BD aussi, elle a évolué. Et donc, on attend d'un auteur, je pense, qu'il soit capable de réinventer ou de creuser plus loin la démarche scénaristique. Puis je trouve que de ce point de vue-là, Morlaque, c'est un bel exemple. Et tu as beaucoup d'auteurs québécois aussi dans ta sélection, et notamment André-Philippe Côté avec Castello, donc dans ses premiers ouvrages, si je me trompe. En fait, Castello, c'est vraiment une histoire intéressante pour moi. Quand je devais avoir 12 ou 13 ans, il y avait c'était plus qu'un club, c'était une société d'auteurs à Québec à l'époque qui s'appelait la SCABD, Société des créateurs et amis de la bande dessinée. Et moi, j'avais eu donc un professeur de BD à Sainte-Foy s'appelait Martin Cassista, donc m'avait rencontré avec des amis, nous avait invité à une réunion de la SCABD. Puis je m'étais pointé là, donc petit cul de 14 ans avec mon ami Daniel Lavoie, pas le chanteur, le vrai. Puis on est arrivé là et les planches de Castello circulaient autour de la table. Je me rappelle, il y avait une réunion au cégep de Sainte-Foy, là, dans une salle de réunion, et j'avais vu donc les originaux de Castello. Ça m'avait vraiment surpris, les dessins étaient magnifiques. Encore une fois, c'est une mise en abîme autour du personnage du peintre Giorgio de Chirico. André-Philippe Côté, on le connaît comme notamment pour son travail de caricaturiste au Soleil. Mais son travail de BD... Il a fait beaucoup de bandes dessinées. Puis avant Baptiste aussi, qui est une série qu'on connaît bien. C'est dans d'autres styles, en fait. Ouais. Quand tu étais plus jeune, il y a eu une réédition aussi qui a été faite à Moelle Graphique récemment d'autres de ses ouvrages, entre guillemets, de jeunesse. C'est très différent de ce qu'il fait présentement et de ce qu'il a fait en BD par après avec Smog, Baptiste et le reste. Mais donc, ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, encore une fois, c'est... du fait donc de cette thématique de surprise là, que j'ai voulu comme utiliser pour ma sélection, c'est que vraiment, moi j'avais 14 ans, la BD ça me paraissait insurmontable. Je voyais les Tuniques bleues, Tintin, je me disais si c'est ça la BD, ça m'intéresse pas. Mais en voyant par exemple ce gars-là oser comme ça de faire exploser les cases, d'avoir un personnage qui était aux limites du cubisme puis de la bande dessinée, je m'étais dit ah waouh, c'est vrai qu'il faut essayer des trucs intéressants aussi. Puis ça m'était apparu comme une vraie belle audace, en fait. Puis encore aujourd'hui, c'est un livre que je relis au moins une fois par année, puis je trouve donc que ça a gardé sa fraîcheur, puis c'est beau graphiquement, puis ça me plaît tout le temps autant de le relire, en fait. Je pense que c'est un livre que je me tanne pas de redécouvrir. Midlife, Joe Oldman, Montréalais d'adoption aussi. Donc Joe Oldman, c'est ça, c'est un gars qui est né à Hamilton, en Ontario, qui vit à Montréal. Un type super intéressant vraiment, parce que lui aussi la bande dessinée pour lui c'est quelque chose, c'est un gars qui est confronté sans arrêt à ses limites. Puis quand on lui en parle, il s'en cache pas, il dit tout le temps j'ai beaucoup de limites mais j'essaie de repousser mes limites. Donc ses premières limites étant graphiques, si on veut, c'est un dessinateur qui c'est pas un virtuose du dessin, mais c'est quelqu'un qui dessine, qui est capable de s'arranger jusqu'à un certain point avec son talent. Mais c'est donc il essaie surtout de tabler sur le scénario et de, comment dire, d'utiliser ses limites graphiques pour faire une histoire originale. Donc Midlife, ça raconte l'histoire d'un gars qui vient d'avoir 40 ans puis qui est en crise de la quarantaine. Et c'est super drôle, vraiment, c'est hilarant. Le gars est directeur artistique dans un magazine. Il se sent au mi-temps de sa vie, tombe amoureux d'une autre femme que la sienne. Il y a des bouleversements qui se répercutent un peu partout dans sa vie personnelle. Et ça, tout ça est raconté sur le ton de la dérision. Et surtout, c'est que le personnage principal, c'est l'alter ego de Joe Oldman. Et c'est la prouesse de ce livre-là, c'est qu'il a réussi à nous faire croire ou à nous faire douter du fait que ce personnage-là, est-ce qu'il raconte ta propre histoire, Joe, ou est-ce que c'est simplement un personnage qui te ressemble? Et ça, il garde le suspense. On n'est jamais capable de répondre à cette question-là. Et c'est ce qui rend ce livre-là si intéressant et si merveilleux. C'est ce mélange donc entre la fiction et la réalité. Et puis en même temps, passage, en fait, autant on peut s'amuser, jouer avec la structure au niveau graphique, comme avec tes trois premiers choix. Soit on peut y aller aussi puis jouer à la structure avec le niveau scénaristique aussi. Puis ça amène... encore là, un autre type d'expérience, enfin, un autre type de regard sur l'expérimentation qui est proposée, parce que ce qu'il porte n'est pas la même chose. Ce livre-là, Midlife, va être porté à l'écran, donc au cinéma, par Kader Aoun, en France, incessamment. Donc, voilà. Alors, à suivre de ce côté. Et on poursuit, en fait. J'en profite pour mentionner, d'ailleurs, que les listes, si vous n'avez pas le temps de tout noter, les titres dont on fait mention, mais ils vont être incessamment sur le blog de La Vie en BD, à lavieenbd.wordpress.com. Et on passe, en fait, peut-être vers des auteurs du côté de la France. En fait, j'ai un autre auteur québécois dans la liste, qui est Luc Giard, avec le livre Le Pont du Havre. Peut-être terminons les Québécois en premier. Oui, c'est ça. Donc, Luc Giard, ça, c'est une histoire super intéressante aussi. Il y a plusieurs années, avec l'Écurie Mécanique Générale, on avait décidé de publier un recueil de BD, d'un collectif en fait, où on invitait le plus d'auteurs possible. On voulait faire, autrement dit, comme livrer un portrait global de qui faisait de la BD à ce moment-là au Québec. Et tout ça se regroupait sous le vocable de plan cartésien. Et donc, la thématique était de raconter une histoire qui se déroulait en ville. Et donc, Luc Giard a sauté à pieds joints dans le projet. Il s'est commencé comme ça à raconter une histoire, mais hallucinante et surtout très, très longue, au sujet de la construction du pont Jacques-Cartier à Montréal. Et puis, tout ça devait s'inscrire donc dans le cadre du collectif, mais à un moment donné, on a vu ces pages arriver, puis on a dit, hey, un instant, là, c'est pas une histoire à mettre dans un collectif, c'est un livre, ça, là. Donc, on a sorti son projet, on en a fait un livre, et vraiment, c'est super intéressant. On apprend notamment qu'il y a un vieux monsieur qui possédait une des îles sur lequel l'un des piliers qui soutient le pont est construit et qui n'a jamais voulu céder son île à la ville de Montréal. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le pont est si croche et qu'il fait un grand détour. Comme ça, il a fallu contourner son île. Et puis, évidemment, tout ça est raconté avec beaucoup d'énergie. Luc Giard, c'est un dessinateur spontané et énergique. On le sent dans son dessin. Évidemment, c'est un mode de narration particulier aussi. Il parle beaucoup à la première personne. C'est quelqu'un qui livre beaucoup, beaucoup d'émotions brutales dans son texte. Mais combiné avec un dessin comme ça qui est très, très personnel et très vivant, je pense que ça donne un ton assez particulier. Sur l'île aujourd'hui, il y a un monument à l'image du bonhomme qui fait un doigt d'honneur. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gars qui ont résisté au gouvernement quand même. Raymond, il s'attendait à un commentaire édifiant sur la BD. Non. Non. Dieu merci, on est à la radio, personne n'a vu les signes que vous avez faites, Michel. et parallèlement, Philippe, on passe à la France. En fait, il y a deux titres de François Avril dans ta sélection. Ouais, c'est un de mes dessinateurs préférés, en fait, François Avril. Sinon, mon dessinateur préféré. Donc, le premier titre, c'est Le chemin des trois places, qui est un petit album publié chez Futuropolis, un album orange, qui raconte donc l'amitié entre deux gars qui ont l'habitude de manger ensemble au restaurant à tous les midis. C'est un petit livre que j'ai encore une fois découvert chez un bouquiniste qui a dû me coûter une pièce ou un euro, je pense. J'avais acheté ça en Europe, en tout cas. Puis ça, c'est ça. C'est, je pense que c'est le plus beau témoignage d'amitié que j'ai jamais lu en bande dessinée. Cette histoire, donc, de rendez-vous le midi, comme ça, deux amis, comme ça, qui ont, comment dire, pour qui l'amitié, ça doit d'abord se célébrer autour de la nourriture. J'ai adoré ce livre-là. Et l'autre, c'est Nuit de Paris, un album introuvable. Qu'un de mes amis, donc Anton, qui est un auteur de BD qui est venu en résidence à Québec 6 ou 7 ans, m'a envoyé par la poste cette année. Donc j'ai reçu ça. Je l'avais déjà lu, je le cherchais, je le trouvais pas. À un moment donné, je lui ai dit, hey, je cherche Nuit de Paris. Puis trois semaines après, je l'avais dans ma boîte aux lettres. Un livre, encore une fois, magnifique. François Avril, c'est un dessinateur très élégant, qui a une ligne vraiment épurée, avec des belles couleurs en aplat, très très peu de couleurs, beaucoup de blanc. C'est un dessinateur qui marche dans les pas de la ligne claire de Tintin, mais qui a poussé ça, si on veut, du côté du design, de l'esthétique, presque du dessin de mode, j'ai envie de dire. Là. Un peu dans la lignée de la tendance qu'on voit, par exemple, au dessin un peu stylisé années 70-80 ou un peu plus écarté. Non, plus années 50, plus années 50, 40. Toi, c'est vraiment très, très, très épuré. C'est beaucoup, en fait, il y a beaucoup de vide dans ces pages parce que trois lignes peuvent suffire à faire sentir qu'il y a un édifice à quelque part. Puis c'est surtout, je pense que ce qui me parle le plus dans le travail de François Avril, outre l'aspect graphique et les dessins, c'est toujours l'évocation d'une intériorité très, j'ai envie de dire, très vaste, en fait. Ça se sent dans l'espace, dans sa manière d'utiliser l'espace dans la page. Mais là, tu dois dire, à propos de Soir de Paris, quelle forme prennent les dialogues. C'est très particulier. Oui, exact, mais je veux pas nécessairement révéler le contenu du livre, parce que je veux laisser aux auditeurs le plaisir de le découvrir, mais c'est ça, c'est un album qui est plein de sensualité aussi, puis qui parle beaucoup, encore une fois, d'amour et de relations humaines, en tout cas. Mais tout ça à travers un dessin très, très, en tout cas, très particulier, très beau, très sobre, c'est ça. C'est un livre à découvrir. Donc, on ne dit pas sa principale caractéristique formelle. Je crois pas, non. Non, on ne dit pas. À moins qu'il y ait un gars plate ici autour de la table qui a envie de briser le punch, là, mais je sens qu'il n'y en a pas. Non, enfin, on va le garder et en même temps, ça donnera la chasse. Ça justifiera peut-être pour certains la chasse à cet album et la fréquentation de bouquinistes, comme tu dis, ou de bouquinistes sur le web. Mais est-ce qu'on peut le trouver, là? Très dur à trouver. Vraiment, là, il faut s'armer de courage. Ouais. Et en terminant, il nous reste deux titres de ton côté, ouais. Philippe Girard, La piscine de Micheville de Baru et Dog de Vincent Perriot, hein, quand même assez différent. Oui, très différent. La piscine de Micheville, ça m'a intéressé encore une fois parce que c'est un livre que j'ai acheté, je me rappelle, en Belgique en 1998. Je suis tombé là-dessus par hasard. Baru, je l'aime parce que c'est des amis de mes parents qui me l'ont fait découvrir, qui vivent à Nancy, donc dans l'ouest de la France, dans l'est de la France. L'Alsace-Lorraine, c'est une région intéressante pour des Québécois parce qu'ils ont un hiver aussi là-bas. Puis eux aussi, ils savent c'est quoi l'hiver puis le froid. Puis c'est une des seules régions de France là où ils ont des pneus d'hiver puis en tout cas des pneus à clous. Donc, lire Baru, qui est originaire de cette région-là, pour un Québécois, c'est comme découvrir des réalités d'hiver qu'on connaît et que les Français connaissent aussi. Du vrai hiver. Ouais, du vrai hiver froid, là. Puis ça m'a beaucoup parlé. Puis bon, évidemment, j'aime les dessins. Puis bon, ça me parle de ses amis, mes parents qui sont des amis très, très proches de la famille. Dog de Vincent Perriot, c'est un livre extraordinaire aussi, pas facile à trouver non plus. Vincent Perriot, c'est un autre auteur de Bordeaux qui est venu en résidence à Québec il y a quelques années. Un dessinateur extraordinaire, vraiment un des plus beaux talents en dessin que j'ai jamais rencontré. Et Dog, donc, c'est l'histoire d'un clochard qui erre dans son petit bled, si on veut, et qui finit par tourner autour d'une maison, une maison très cossue. Finalement, on sent qu'il y a des sentiments pour la femme qui habite dans la maison. Et ça, c'est raconté sans parole, avec un dessin magistral, des images pleines pages, souvent même des doubles pages. Et c'est un dessin très fouillé, très énergique, très vivant. Vincent Perriot, c'est pas un dessinateur qui fait des esquisses et qui encre. Après ça, c'est quelqu'un qui y va directement. Le trait à l'encre est le premier trait. Donc, ça donne un dessin qui est extrêmement vivant. Et c'est, en tout cas, moi, c'est vraiment un des auteurs que je préfère. Puis, même dans ce livre-là, on sent que des fois, on sent les erreurs. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un personnage qui est dessiné d'une certaine façon, puis il dit « Ah non, non, non, j'aime pas ça », puis il le retrace par-dessus. Fait que quand on regarde attentivement certaines images, on peut les voir. Puis, je trouve ça le fun qu'ils aient laissé, qu'ils aient pas dit « Bon, ben je recommence mon dessin ». C'est ça, exactement, sans filet. Puis, on moi, sent c'est... aussi que ce gars-là a une aisance à dessiner qui tutoie l'obscénité. Là. Ouais. C'est scandaleux. Alors, c'est une première tranche, une première BDTech idéale, si l'on peut dire, ou une série de propositions de lecture. C'était ceux de Philippe Girard. Philippe, évidemment, tu restes avec nous pour découvrir au fil de la prochaine heure donc les sélections de Francis Desharnais et de Michel Giguère. Et cela en plein cœur de ce Radioton 2014 de CKRL. C'est la vie en BD, segment donc consacré au 9e art dans le cadre de ce Radioton qui se poursuit. Toujours en compagnie de mes invités, donc Philippe Girard et Francis Desharnais, auteur BD, Michel Giguère, médiateur de bande dessinée, Raymond Poirier au micro. Et on poursuit à travers ces parcours, ces regards, ces BDTech idéales qui prennent différentes itérations, différents regards selon la manière à travers lesquelles mes invités ont choisi de prendre ce défi que je leur ai lancé. Et donc, prochaine BDTech à laquelle on s'attaque, c'est celle de Michel Giguère. Alors, il est spécialiste de la bande dessinée, il enseigne la bande dessinée à Québec depuis déjà plusieurs 25 années. 25 ans. 25 ans quand oui, même. Cette année, oui. À la Maison Jaune, notamment. T'animes aussi de manière mensuelle les rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Leroy. Depuis 10 ans l'an prochain. Voilà. Alors, un médiateur qui a du vécu, qui en a lu beaucoup et qui en parle beaucoup. Et tu le disais en ouverture d'émission, Michel, tu as choisi de nous offrir plutôt tes sélections sous forme de parcours. Oui, et tu as tellement raison, Raymond. J'écoutais tantôt Philippe, l'approche est tellement différente. Évidemment, lui, il a choisi beaucoup des trucs expérimentaux sur le plan formel, ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment plus pépère, mais je suis allé vraiment, comme je disais tantôt, j'ai écouté mon cœur. C'est toi qui l'as dit, hein, pépère. Moi, je n'osais pas le dire au micro. Là. Je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Je l'ai lu dans tes pensées. Essaye pas. Mais il va y avoir des belles questions autour de tes choix. Et j'ai envie qu'on plonge immédiatement. En fait, dans ton premier, tu disais des choix classiques. Enfin, on en a parlé brièvement tout à l'heure de cette série Astérix. C'est un peu quand même, ça reste incontournable dans les sélections et dans les lectures BD d'un peu tout le monde. Ah, ben ça dépend pour qui. Moi, je me fous des autres. Là, dans mon approche du choix, là, ça s'imposait. Je ne pouvais pas parler parce que moi, je le rappelle, c'était dans l'optique qu'est-ce qui m'a marqué. Et moi, je les ai amenés. Je me suis dit, on n'est pas pour parler de bande dessinée sans avoir les livres avec soi. Et ça, c'est des situations qui avantagent les gens qui sont venus nous écouter en direct ici au 405 3e avenue. Voilà, les chanceux. Et sauf ceux qui attendent dehors sur le trottoir parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Là, évidemment. Pour non, eux, mais ça va se libérer à un moment donné. Là. Et c'est comme si, je ne sais pas moi, je parlais de Rosinski puis je n'avais pas Rosinski avec moi. Ça ne serait pas pareil. Alors voilà la plug pour mercredi prochain. Mais sinon, donc, Astérix en Hispanie, je dis que j'ai amené les livres parce que c'est important parce qu'on voit d'abord qu'il est tout dérinché. On voit qu'il a été relié par ma maman qui reliait avec du plastique transparent tous mes livres d'école ainsi que mes beaux albums de bande dessinée comme ça. Pas les Martin et le Malin, mais les autres. Et Astérix en Hispanie, c'est le premier Astérix que j'ai lu et je l'ai lu avant de savoir lire. Alors j'en garde un souvenir très émotif et j'aurais passé après coup toute ma, entre guillemets, carrière de prof à expliquer aux gens vous allez faire des bandes dessinées qui vont être lues. Et la lecture s'opère à deux niveaux. Les gens vont lire le texte et ils vont lire le dessin. Et quel bon exemple, après coup, d'y penser. Oui, effectivement, j'ai lu des BD avant de savoir lire les mots. Mais c'est surtout dans le contexte où, exemple, on prend Uderzo, ben on peut, il y a la planche, il y a la case, mais comment justement traduire le mouvement, comment traduire le côté narratif, la mise en scène de chaque case dans le contexte de chaque planche. Il y a quand même un travail qui est assez achevé de ce côté-là. Là. Ouais, écoute, je ferai pas la défense illustration d'Astérix, là, c'est à tout point de vue. Parce qu'évidemment, on a beaucoup vanté Goscinny, qui est un scénariste génial. Mais, Uderzo est un dessinateur hors pair d'une, on feuillette ça, on regarde plus, ou alors on regarde sans voir. Il y a quatre bandes, il y a plein de cases. C'est pas du travail de paresseux, en plus. C'est pas juste des gros plans, là. Il y a beaucoup de plans larges avec beaucoup de décors. Pas beaucoup de gros plans. Ouais. Et c'est d'une clarté visuel, on voit tout, il n'y a rien qui est superflu, ça se lit comme du bonbon, là, c'était des méchants pros. Là. Oui, ben en fait, c'est dans la mesure où, je conclure sur Astérix, mais sur des BD comme ça, et même de manière générale, c'est un exemple où jamais, en tant que lecteur, on se pose la question, qu'est-ce que je dois lire ensuite? Les phylactères, dans quel ordre je dois les lire? Les cases, dans quel ordre? Même si, des fois, on éclate un peu le format, je veux dire, rarement, il est obligé de nous mettre des petites flèches pour nous dire, ben OK, il faut lire, je pense que c'est arrivé deux fois. Il y a des trucs éclatés qui se font sur le plan de la mise en page qui paraissent là, depuis des années, et que tu te poses pas la question non plus, parce qu'ils ont ce souci-là en tête. Mais il y en a plein que vraiment, tu te poses la question, dans quel sens je vais. Et ça, moi, je trouve ça épouvantable, parce que le lecteur qui se demande où il va après, il vient de débarquer. Mais vis-à-vis d'Astérix, les auteurs de BD, on est comme les musiciens vis-à-vis des Beatles. C'est, tout le monde trouve ça dépassé, mais il n'y a personne qui réussit à faire mieux. Franchement, on n'a pas le droit de ne pas aimer Astérix, je pense. Est-ce que c'est sujet à débat? On a le droit de ne pas aimer Michel Vaillant, qui est mon deuxième choix. Ça, c'est peut-être moins sujet à débat. Ouais, mais... ça surprend. Combien plus de filles ici ont lu Michel Vaillant? Attendez un petit peu. Mes sœurs. Madame là-bas. Ah non, excusez, elle voulait un café. Non, mes sœurs ne sont pas là, mais elles ont lu Michel Vaillant parce qu'elles lisaient toutes mes BD. J'assume tout à fait, c'est ma deuxième BD préférée de mon enfance. C'est venu un petit peu plus tard parce que c'était des aventures avec un dessin réaliste. Et Jean Graton a été un des premiers à faire vieillir son personnage, ses personnages. Il a été le premier à sortir du studio pour se documenter sur place, à, comme Alexandre Dumas, à intégrer des personnages réels à des personnages fictifs dans les aventures. Et j'ai choisi celui-ci, Champion du monde, qui est, ma foi, quelque chose comme le 12e de la série à peu près. C'était loin d'être le premier que je lisais, mais c'est une lecture marquante parce que effectivement, Michel Vaillant, là-dedans, va devenir à la toute fin de l'album champion du monde. Mais j'étais tellement frappé de la façon que ça arrive. Il réussit, par la peau des dents, à dépasser dans le pointage son plus proche rival parce que, lors de la dernière course, son partenaire d'écurie qui mène la course le laisse le dépasser pour que lui fasse plus de points. Et c'est tout sauf spectaculaire. Et le deuxième élément, c'est que l'épouse de Jean Graton a participé au scénario pour introduire tout un côté beaucoup plus sensible et psychologique. En fait, le vrai sujet de cet album-là, qui fait partie d'un diptyque, il y a deux albums qui suivaient, c'est comment vivent les femmes, les conjointes, comment elles vivent la course, le fait qu'ils sont constamment en danger de mort à chaque course. Et donc, tout cet aspect-là psychologique, c'est le genre de lecture, je trouve, qui te fait maturer, que tout d'un coup, ça te fait « wow », tu sais, ça te parle autrement, à un autre niveau. Et puis, soit tu trouves ça plate, mais quand t'es prêt, ça te fait faire des pas de géant dans ta maturation de lecture. Et la fiction se rapproche presque de la réalité, se rapproche du documentaire, donc on a un travail qui est beaucoup plus fouillé, qui est pas basé sur des impressions, mais qui est basé sur des faits. Écoute, ça a été publié peut-être un an ou deux après l'accident de Niki Lauda, quelques années avant celui de Villeneuve. Écoute, c'était on ne peut plus ancré dans la réalité. Et d'ailleurs, on voit Gilles Villeneuve dans un des albums de Michel Vaillant. Oui, absolument, oui. Ensuite, le prochain, je ne l'ai pas, parce que j'ai fait la gaffe il y a longtemps de me débarrasser de tous mes super-héros, tous mes comic books traduits chez Héritage. Quand on fait des vides comme ça, il y en a toujours quelques titres qu'on regrette. Gaffe. Enfin, Spider-Man. Et là, je vais m'adresser aux auditeurs peut-être les plus jeunes qui n'ont pas lu ça à l'époque, mais je vais leur demander de se rappeler le premier film avec Tobey Maguire, où est-ce qu'à la fin... Le Green Goblin impose une espèce de dilemme à Spider-Man, sauve les gens dans le wagon de métro ou sauve ta blonde Mary Jane. Il se trouve que dans la BD originale, c'était pas tout à fait ça. La femme que le Green Goblin avait kidnappée, c'était plutôt Gwendoline Stacy, qui était la vraie blonde de Peter Parker, et Mary Jane va le consoler après coup. Mais la différence majeure, c'est que dans la BD, il réussit pas à sauver et les passagers du wagon et sa blonde. Alors Gwen meurt tuée par le Green Goblin. Et nous autres, on lisait des super-héros à l'adolescence et c'était tout à fait inoffensif. Ça arrivait pas des trucs comme ça. Non seulement personne mourait, mais personne saignait. T'sais, il se garrochait des murs de briques par la tête puis il y avait même pas d'échymose, il était juste dépeigné. Et là, on lit ça puis Gwen est morte. Pardon? C'était un choc. Et voilà, encore une autre étape dans mon parcours de jeune lecteur. Et dessiné par John Romita Jr., si je ne me trompe pas, grand dessinateur de BD. C'était une grande époque. C'est sûr que c'était pas en couleur puis tout, mais c'était de la belle job. Oui, puis surtout, en fait, dans un genre qui a peiné pendant plusieurs années à réussir à se renouveler, j'ai l'impression. Il est arrivé plus tard, en fait, la période des grosses expérimentations, bon, avec les Alan Moore, Frank Miller et le reste, mais il y a eu une période de battement où on dirait que ça s'est... on a atteint un plateau. Mais de ce côté-là. Marvel, dans les années 70, c'était encore fort. Là, hey, j'espère. Ouais. Stan Lee était en pleine forme pour les histoires. Là. Et là, on tombe dans quelque chose d'un peu plus dans le dérive. Enfin, on revient vers l'Europe. Ça, c'est un choc qui est peut-être plus formel, justement. Derib utilise toutes les potentialités de la mise en page, de la mise en scène. Lui, on sent qu'il se sent un petit peu à l'étroit dans des petites cases carrées, alignées sagement. Et c'est des couleurs peintes aussi. C'est pas des aplats en couleurs primaires. Là, c'est vraiment plus nuancé comme mise en couleur. Fait que ça a été vraiment un choc visuel et aussi un choc narratif parce qu'en BD, les deux viennent ensemble. Et ça a été suivi de près par un autre Suisse. Parce que Derib est d'origine, et pas d'origine, il vit en Suisse aussi. Et l'autre, c'est Cosé. Et j'ai choisi l'album Kate parce que je fais partie des nombreux lecteurs de ma génération qui sont tombés amoureux de Kate. Les personnages féminins en bande dessinée sont tellement stéréotypés. Et là, il nous arrive avec un personnage qui s'inspirait physiquement parlant d'une chanteuse obscure que j'ai jamais réussi à retenir le nom et que j'ai pas vraiment d'idée c'est qui, mais peu importe. Olivia Newton-John? Non. On essaie de guesser avec la couverture. Puis elle avait les yeux cernés, elle avait une personnalité difficile, insaisissable. En tout cas, elle était tranchée avec les stéréotypes féminins. Et c'est le genre de truc où, en fait, t'as l'impression que tu demanderais à l'auteur comment vous faites pour créer des personnages féminins aussi tridimensionnels, puis où il répondrait « Ah, ben j'ai toujours considéré que la femme était une personne ordinaire, donc tridimensionnelle, et c'est ça que j'essaie de représenter. » Il y en a plus qui devraient faire ça, je trouve. Pas longtemps après, un autre choc esthétique, « Silence » de Comès. Et là, on est dans ce qu'appelait à l'époque les romans à suivre, là, qui est un petit peu... En tout cas, je lance pas le débat des romans BD, là, mais en tout cas, le magazine à suivre, vraiment, qui s'en allait, qui laissait libre champ à des BDistes pour faire des histoires avec une forte pagination, beaucoup de noir et blanc. Et j'ai choisi « Silence » parce que c'est une BD dont j'entendais dire que c'était majeur, que c'était un chef-d'œuvre. Puis ça m'a pris des années à la lire parce que les dessins m'attiraient pas. Et quand je l'ai lu, je me suis trouvé très bête d'avoir attendu si longtemps. Ça m'a viré à l'envers dans mes shorts. Et après coup, j'ai continué de développer cette espèce de réflexe-là, de ne plus écouter mes goûts, mon premier réflexe-là, et de jamais m'empêcher de faire des lectures qui allaient un petit peu à l'encontre de mon attirance naturelle. Et j'ai toujours dit après coup que les goûts, c'est comme un muscle. À force de faire de l'exercice, puis de faire des étirements, puis de pousser le muscle, tu vas pouvoir justement étendre ta portée, puis aller plus loin. Mais ça reste difficile dans la mesure où, c'est, tu le disais dès le départ, en fait, c'est une narration visuelle et narrative et écrite. Mais on dirait que quand ça clique pas d'instinct, il y a quand même un effort, et c'est facile, effectivement, de rusher, de mettre l'album de côté. Écoute, en bibliothèque, là, je mets des BD sur des présentoirs, je vois toujours les gens faire la même chose. Là. Prendre un album, 30 secondes à peine, là, le feuilleter, puis le remettre sur le présentoir, puis j'ai envie de dire, lis deux pages, juste deux, mais lis-les. Mais lui, Comès, quand même, le dessinateur, on peut dire qu'il a souffert presque toute sa vie, si on veut, de cette réaction-là, parce qu'en réalité, c'est un grand dessinateur qui a presque... D'ailleurs, il est mort dans l'année dernière, je crois. Là. C'est un grand dessinateur qui n'a pas été reconnu, si on veut, à sa juste hauteur, j'ai envie de dire. Là. C'est comme un artiste mésestimé, j'ai envie de dire, dans le milieu de la bande dessinée. Ben, il a fait fort dans ces années-là, puis ça... périclité doucement, puis effectivement, il est pas mort en pleine gloire. Là. C'est un fait. Ensuite, c'est un album qui a toute une histoire. Tu parlais de la SKBD à l'époque, dans les années début 90. Moi, je me suis impliqué très activement. Et à un moment donné, on est parti trois confrères faire un voyage de reconnaissance et de partenariat en Belgique. Et là-bas, il y a des librairies de BD à tous les coins de rue, et dans le livre d'occasion, tu peux tout trouver. N'importe quoi, qui est sorti depuis plus d'un an, là, tu le trouves. Et un de mes partenaires avait acheté ça, 3615 Alexia de Frédéric Boilet. Je connaissais pas Boilet, je connaissais pas le principe du Minitel, parce que cette 3615, c'est le code en France pour commencer à composer un numéro de Minitel. Et j'ai lu ça dans l'avion, et en arrivant ici, j'ai dit, il me faut cet album-là. Épuisé, introuvable. Quand je suis retourné en France, j'ai fait plein de librairies. Il était épuisé. J'ai fait plein de librairies d'occasion. Et puis, je le trouvais nulle part. J'étais avec un de mes chums. Je lui ai dit, écoute, c'est fini. On faut qu'on voyage, on veut visiter, là, on n'est pas passé 3 semaines dans des librairies, j'abandonne. Et mon chum, on allait sortir, il me dit, Michel, il reste un petit rayon, vas-y, là, puis on pourra dire que tu as tout essayé. Et j'ai trouvé l'album dans le dernier rayon de la librairie. Et qu'est-ce qui t'accroche tant que ça? Il sort jamais de chez nous, hein. Je l'ai amené ici, là, mais je vais le ramener vite fait. Là. Et qu'est-ce qui fait? Il retourne pas chez vous tantôt. Là. c'est un album multimédia. C'est une relation qui débute sur Minitel, qui était l'ancêtre d'Internet à l'époque. C'est un mode de communication qui s'était imposé en France, qui était très apprécié et qui a fait en sorte que le web a mis beaucoup plus de temps à s'imposer en France parce que les gens étaient tout à fait satisfaits avec le Minitel. Et puis, c'est donc un homme et une femme qui communiquent par Minitel comme ça. Et ensuite, par téléphone, ils s'envoient des photos. Il y a des scènes filmées sur caméra vidéo. On voit des images, une reproduction d'images vidéo. C'est pour ça que je dis que c'est du multimédia. Et par ailleurs, c'est dessiné d'après photo. Donc, ça donne une espèce d'authenticité qui est hallucinante. Et il y a des scènes d'intimité là-dedans que je peine à qualifier d'érotisme parce que c'est tellement cru, c'est tellement un regard direct qui a pas de fioriture, que c'est pas là pour être excitant. Ça te fait simplement sentir comme un voyeur. Tu te sens mal, tu as l'impression d'avoir surpris des voisins dans leur plus stricte intimité. Et ton prochain titre, j'ai l'impression que tu nous amènes aussi dans l'univers de la littérature, Paul Auster, qui c'est quand même, en fait, qui est reconnu comme écrivain, mais là, il y a des adaptations BD aussi. Ouais, il s'en fait tellement, mais de plus en plus, parce que on essaie toujours d'élargir le lectorat puis d'aller rallier des gens qui lisent la littérature. Est-ce que la transition se fait bien? C'est souvent l'autre question qu'on devrait se poser. Ouais, pour 10 qui sortent, il y en a un qui est vraiment convaincant. J'avais lu Cité de verre en roman et j'ai trouvé la BD supérieure au roman. Le travail de Mazzucchelli, qui n'a pas fini de surprendre, il a fait d'autres publications après coup qui sont à te jeter par terre. C'est d'une inventivité, c'est d'une richesse. On dit toujours du roman que ça va dans l'intériorité, dans la psychologie, alors que le cinéma et la BD, qui sont des types de narration par l'image, sont axés sur l'action. C'est normal. Mais eux, au lieu d'escamoter toutes les scènes psychologiques, ils ont décidé de les montrer puis de prendre plusieurs pages pour le faire. Mais ils nous montrent pas deux personnes en train de penser ou juste en train de parler. Tout d'un coup, tu décroches de la scène réelle et tu t'en vas dans le symbolisme et tu peux avoir toute plein de séries d'images qui illustrent les propos, mais vraiment les illustrent en images. C'est donc une totale transposition avec tous les moyens auquel la BD peut recourir. Mais en fait, c'est quand on dit, en fait, avec le dessin, on peut s'épargner des mots. C'est le cas dans des albums comme ça où justement on maximise le dessin et ça devient en complémentarité, si on peut dire, avec le texte. Si bien que psychologiquement et pour ce qui est de l'intériorité, la BD a rien à envier à sa version roman. Et rapidement, en fait, tes deux derniers titres, il y en a un, en fait, je pense, pour beaucoup, ça reste un incontournable, en clair. En fait, Craig Thompson, Blankets, pour beaucoup, en fait, parce que c'est un incontournable pour moi, donc j'assume que je suis pas tout seul. Le fait que tu l'aies me confirme ça, mais c'est un auteur à découvrir, là, évidemment. Ouais, qui publie pas souvent parce qu'il publie des briques, c'est un travail invraisemblable. Ça m'a été offert en cadeau, comme disait Philippe, des fois c'est des cadeaux là. Et ça le rejoint tellement mon côté fleur bleue, comme Kate de la série Jonathan de Cosé. On a le droit de l'être des fois. Ah oui, mais moi j'assume ça complètement là. Et Blanket, c'est ça, c'est le récit d'une première histoire d'amour entre deux jeunes Américains qui grandissent dans des familles dites là-bas chrétiennes. Ils sont élevés dans une espèce de carcan religieux et moral et ils essaient malgré tout de jouir pleinement de leur relation. Mais ils le font avec un sens du sacré qui, moi, j'ai trouvé complètement anachronique. Puis je trouvais que ça faisait tellement de bien dans notre époque. Alors, c'est de toute beauté. Et la dernière, je te laisse la présenter. Oui, Zidrou, Le Beau Voyage. Tu sais que moi, j'anime des entretiens. Fait que là, tout d'un coup, j'ai une voix qui dit « Michel, c'est Raymond qui dirige l'entretien. » Là, laisse-le aller. Alors, Le Beau Voyage, dessiné par Springer, qui s'était fait connaître avec des trucs plus de fantasy et qui nous a ensuite offert Les Funérailles de Luce, qui est la mort vécue, le deuil vécu par une petite pitchounette, bel album. Puis là, il revient avec Zidrou, qui est un grand scénariste actuel là, de la nouvelle génération. Et Le Beau Voyage, j'ai bien hâte de lire la suite, c'est le premier tome. C'est parce que là, à un moment donné, quand tu lis des centaines d'albums tous les ans, là, plus ça va, plus ton sens de l'émerveillement s'émousse. Mm-hmm. Et les albums qui réussissent encore à te surprendre, tu sais, toujours la notion, Philippe, d'être surpris, à te déstabiliser, à t'impressionner, ça devient de plus en plus rare et de plus en plus précieux. Et Le Beau Voyage, c'est une espèce d'entrée dans la tête de cette femme-là. Il y a des scènes où est-ce que, encore une fois, en utilisant, c'est pas quelque chose qui se veut littéraire, mais pas du tout. C'est vraiment 100% bande dessinée, sauf que encore une fois, on se rend compte que la BD peut être un médium excellent pour entrer dans la psychologie des personnages. Et c'est hautement intime, c'est très psychologique, c'est vraiment impressionnant. Et ça met de l'avant aussi, en fait. Je pense qu'on a tendance parfois à penser d'abord au travail de dessin. Et au contraire, en fait, il y a le scénariste ça a une grande importance, voire une importance majeure. Et on a tendance à peut-être trop mettre de l'avant le travail du dessin versus le scénario. C'est comme les Beatles. Ça sert à rien de se demander, on est-tu plus Lennon ou McCartney? C'est les deux. La question, c'est l'alchimie entre les deux qui s'émulaient l'un l'autre, qui se critiquaient l'un l'autre et c'était constructif. Non, on va-tu parler des deux qui comptent? Il y avait cinq, il y avait une fille aussi. Puis il y avait George Martin. En tout cas, regarde, on ne parle pas des Beatles, en fait. Ça. Mais donc, c'est ça, c'est quand justement, l'intérêt, c'est quand l'alchimie entre un récit et sa mise en image fonctionne. C'est une espèce de ligne mince, c'est une dimension totalement différente de la dimension au dessin et de la dimension écriture. C'est la dimension narration par l'image et c'est là la magie de la BD. Et on espère vous donner le désir et le goût de la lecture et de plonger avec nous dans le 9e art. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 dans le cadre du Radioton 2014 de CKRL. Raymond Poirier au micro avec vous pour encore un bon 20 minutes autour de la question du 9e art en lien avec l'émission que j'ai le plaisir d'offrir ici au 89.1 sur la question de la bande dessinée, donc la vie en BD les vendredis à 17h30. Et on poursuit avec cette thématique que j'ai lancée à trois invités, donc la thématique de la BD Tech idéale qui pouvait interpréter à leur façon, à leur manière. On a découvert au fil de la dernière heure la BD Tech idéale de Philippe Girard, on a découvert celle de Michel Giguère et maintenant, au fil des prochaines minutes, on va découvrir celle de Francis Desharnais, que vous connaissez notamment comme scénariste de la série des motels galactiques, qui nous a offert également les séries Burkett et son itération animée sur le portail de l'ONF, qui nous a offert récemment, avec Caroline Allard au scénario, les chroniques d'une fille indigne. Alors, bonjour à vous trois. Et bonjour tout particulièrement à Francis, puisque on se lance donc dans ton univers BD, et j'aurais envie de dire on se lance avec un trio d'incontournables. On disait en début d'émission il n'y aurait pas que des sélections qui devaient se retrouver dans toute bonne BD Tech, mais par contre qu'on s'empêchait pas de le faire, et je pense qu'avec tes trois premiers titres, c'est presque stéréotypé parce que tout le monde sait que c'est bon, tout le monde le dit, mais en même temps, il y a une bonne raison pour laquelle tout le monde le dit aussi. Oui, c'est ça. Puis un peu comme Michel et Philippe, je suis allé un peu par choc que ces bandes dessinées-là m'ont procuré. Je les ai comme un peu de séparés en période adolescente et période plus adulte. Les trois, moi j'en ai quatre premiers, mais... Oui, on fait les quatre aussi. on pourrait rajouter facilement, effectivement, le quatrième. Il faut les avoir point. Là. Ben, c'est ça. Donc, c'est complètement dans le désordre. J'ai pas commencé à 2 ans là. Mon premier c'est Akira de Katsuhiro Otomo, qui est cette espèce de série fleuve de jeunes adolescents au Japon dans le futur, dans un Tokyo qui est post-apocalyptique et reconstruit et qui est très foisonnant comme imaginaire. Mais moi c'était un peu ma redécouverte de la culture japonaise, parce que je disais redécouverte parce que les premiers c'était les dessins animés que nous on avait qui étaient c'est ça, les Albator et Goldorak et compagnie, où là j'avais quelque chose de plus de plus adulte ou je sais pas qui m'a juste fait complètement sauter sur le crin. Francis vient de mentionner quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a plein de jeunes lecteurs qui ont été emportés par la déferlante manga à partir du début des années 90, qui oublient que les plus vieux qu'eux autres étaient en contact avec la culture, avec l'imaginaire japonais, mais il se trouve que les bandes dessinées n'étaient pas traduites. Ce sont les films d'animation, les séries télé d'animation. En fait, il y a eu deux déferlantes manga, finalement. Ouais, mais la première, c'était pas vraiment une déferlante, parce que c'était comme... C'est comme une tentative de tester le produit, en fait. Ouais, puis c'était plus modeste, mais surtout, ça s'est échelonné sur longtemps. Moi, je peux vous dire qu'en 1969, j'écoutais Minifée à la télévision. Radio-Can avait acheté des droits de traduction de dessins animés japonais. Et même, ils ont été, j'ai appris ça dernièrement, télédiffusés en Europe francophone, mais avec les traductions d'acteurs québécois, parce que ça avait été d'abord acheté par Radio-Can. Et après ça, ça s'est rendu en Europe. Donc, on parle de Prince Saphir, Le Roi Léo, des trucs comme ça, qui sont bien antérieurs. C'est comme une autre génération avant Albator Goldorak, qui était dans les années 80. Mais pour revenir à Akira, c'était, moi je me rappelle, ce qui me marque aussi, c'est que j'ai jamais vu la fin. C'est que c'était tellement difficile à trouver. Il fallait aller à la première issue. Moi, je lisais en fascicule anglophone. Puis il sortait, à un moment donné, j'en avais acheté un. Puis je disais, il est quand le prochain? Ça a pris 6 mois avant qu'on le reçoive. Puis après ça, j'ai comme jamais réussi à connaître. J'ai jamais vu le dernier. Puis après, je sais la maison d'édition... Glénat tout court, qui les a réédités. Mais après ça, moi, j'avais entendu dire que, mais ils ont changé la fin pour Glénat. Donc là, mais moi, je voulais la fin anglaise. Fait que je sais pas. Puis entre-temps, il y a le film qui est sorti. Fait que j'ai vu... Oui, puis bref, le film qui a apporté beaucoup de fans à la série aussi. Oui, aussi. Après, puis, mais moi, c'est ça. J'étais venu à Akira par la bande dessinée. Il y a quand même un truc fascinant à propos de ça, Akira. C'est que quand on était un jeune lecteur et qu'on découvrait cet univers-là, c'est l'énergie qu'il y avait là-dedans, là, les petits gars en moto, les cases ultra énergiques découpées à mort avec plein de gros plans. Je veux dire, c'était vraiment... C'est un film d'action sur papier. Ah, c'était hallucinant comment ça bougeait dans ça. Là, l'apocalypse était assez énergique. Ah, ouais. Franchement, là, on ne peut pas faire autrement qu'avoir le goût d'aimer ça, cette affaire-là. Sérieux. Ouais. Là. Puis ensuite, j'enchaîne avec Mouse. Comme je vous disais un peu avant d'entrer en onde, c'est presque rendu un cliché de qu'on parle des bonnes bandes dessinées de mettre Mouse. Mais bon, moi j'étais le dernier à fournir ma liste à Raymond, et puis j'ai vu que les deux autres l'avaient pas mis. Je me suis dit, bon ben là, écoute, faut quand même le mettre. Il faut qu'il le fasse. Et faut qu'il, ouais, c'est ça, y en a qui se dévouent, mais c'est pas vraiment une dévotion parce que j'ai aimé ça. Non, ça aussi c'est quand même un choc de voir, tu sais, des dessins pas si chouettes que ça, pas si beaux que ça. Puis encore là, des trucs avec des grenouilles, puis des souris, puis des chats mal dessinés, mais de voir que tu te laisses emporter, que t'embarques, puis que tu lis une bande dessinée qui est la Deuxième Guerre mondiale, déjà c'est un sujet qui est riche, mais de voir, de t'intéresser à une relation entre un père puis son fils, moi quand je pense à Mars, c'est presque plus ça qui me marque, là, de voir le père qui est marqué, ça a marqué sa relation avec son fils, le fils qui est l'auteur de qui est Art Spiegelman, qui est l'auteur de la bande dessinée. Moi c'est presque plus ça que je retiens de Mars. Et en même temps, je pense en termes de positionnement, et vous pourrez me corriger, mais c'est dans les premières BD à avoir reçu des prix littéraires, donc à avoir un peu apporté, je dirais pas une légitimité, mais... Les prix Pulitzer, en tout cas, les déjà. Les prix Pulitzer, c'est ça, donc une certaine reconnaissance où, tranquillement, peut-être le grand public, le public qui n'était pas déjà abonné du côté de la BD, s'est rendu compte qu'il y avait là une richesse narrative qui était importante et que si on l'ignorait, ben on allait risquer de manquer des chefs-d'œuvre aussi de ce côté-là. Ça a été un choc parce que c'était un prix important. C'était le prix Pulitzer dans le monde anglo-saxon, c'est majeur. Et c'était pas accordé dans une catégorie bande dessinée, c'était accordé dans une catégorie récit, point. Donc, au final, ça a battu des romans, des différents ouvrages écrits. Et par ailleurs, pour revenir au sujet de l'album, il est double, parce que c'est, comme Francis le disait, c'est à la fois la relation entre le fils auteur de BD qui veut raconter l'histoire de son père parce que sa mère est morte, puis il se dit, si mon père me raconte pas, je saurai jamais ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont passés à travers les camps de les camps de la mort. Et puis la deuxième, c'est le récit du père qui est le récit dans le récit. Des camps, ouais. Et puis pour les gens qui se disent, moi j'en ai soupé d'entendre parler des camps nazis puis de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours des aspects, des dimensions, des angles qu'on soupçonnait pas. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai appris plein de trucs sur ce qui a précédé, sur le pendant, l'après. Et c'est, comme Francis disait, c'est des bonhommes allumettes sous forme de personnages animaliers. Puis à un moment donné, tu te demandes comment ça que je suis bouleversé malgré tout ça. C'est parce que ça marche tellement bien. Troisième site, Mafalda, Kino. Mafalda, ça c'est quand même assez étonnant. Pour moi, c'est une lecture d'enfance, mais de voir une lecture d'enfance avec autant de gags que je comprenais pas, c'est quand même fou là. Tu lis un truc, tu comprends pas, mais le dessin est quand même il est super chouette, il est super beau. Il y a quand même des gags que tu comprends. Puis surtout, c'est que tu comprends, même quand t'es jeune, tu comprends qu'il y a quelque chose d'autre. Tu sens que ça parle. ça parle de cette bande d'enfants-là, mais que ça parle du pays. Tu sens qu'il y a de quoi de plus riche, puis que ça te garde en tête, puis que toujours tu y reviens, puis que tu découvres des nouvelles choses. Puis là, quand tu apprends l'histoire de l'Argentine, tu fais des liens avec ce que tu voyais dans Mafalda. Moi, c'est quelque chose qui est assez majeur. Puis bon, je peux pas renier aussi que bon, ma BD Burkett s'inspire un peu de ça, c'est-à-dire de s'inspirer de l'actualité du Québec, mais lui, c'était en lien direct avec l'actualité en Argentine. J'aime bien la dimension que tu amènes là-dessus, le côté éducation, entre guillemets, à la citoyenneté, où inconsciemment, effectivement, je pense quiconque lit Mafalda sent qu'il y a quelque chose de plus, puis après ça, de découvrir plus tard, plus vieux, de retomber là-dessus, puis ça vienne confirmer ces impressions-là, puis qu'on découvre peut-être justement l'ampleur de l'impact politique et social que cette BD-là avait en Argentine, la teneur de la critique, les circonstances autour de la rédaction et de la fin de cette série-là, c'est... Mais Francis touche quelque chose là, de tellement délicat et important. Moi, je suis pas professeur dans un cadre académique, mais je vais souvent dans les classes. Puis je fais de la pédagogie, mais j'ai pas nécessairement la même approche puis la même culture pédagogique que les profs dans les écoles. Et puis je me fais tellement souvent dire, ouais là, faut pas que ça soit trop poussé parce que leur niveau, tu sais, vous allez trouver qu'ils sont pas super avancés. On appelle ça tirer par le haut. Tu leur expliques des choses avec les vrais termes, avec une espèce de sérieux puis de passion. Puis même s'ils ratent un mot sur cinq ou les profs après coup, ils se demandent comment ça qu'ils m'ont écouté la bouche ouverte pendant une heure. On adore ça quand on est enfant, se faire présenter, se faire donner accès à des trucs qu'on comprend pas tout à fait. Et Kino lui-même disait toujours, quand on lui faisait remarquer à quel point ses BD étaient intelligentes, il disait, mais rassurez-vous, les enfants sont toujours plus intelligents que les livres qu'on leur met entre les mains. Et au niveau graphique, Gottlieb, la Rubik à Braque, le tome 4. Oui, en fait, c'est pas tant au niveau graphique que j'ai envie de parler de Gottlieb. C'est que j'aimais Gaston. Mais il y a une chose qui me tapait ses nerfs avec Gaston, c'est que quand je tournais la page, je voyais déjà tout de suite la dernière case. Fait que je lisais l'histoire, puis ah, ok, bon, ben ça s'en va là, ok. Fait que c'était drôle, c'était chouette, tu sais, puis l'histoire, le déroulement de l'histoire des Gastons, et c'est super. Mais quand tu lis du Gottlieb, quand tu lisais la rubrique à Braque, à chaque case, t'avais une niaiserie ou quelque chose de super drôle. Il foulait ses cases avec d'humour. Dans les bulles, t'avais l'espèce de coccinelle qui rajoutait, qui faisait encore un petit truc super drôle dans le coin. Tu pouvais lire trois fois la même planche, puis la coccinelle faisait un truc différent qui était pas l'histoire principale. Donc, moi, au niveau de l'humour, rubrique à bras, Gottlieb, c'est le top, là. Donc ça c'est dans ma BD Tech imposée là, tu sais, c'est plus juste un coup de cœur. Ouais. Et là on saute, on change un peu de BD Tech, si on peut dire, avec La Volupté de Blutch. J'aime beaucoup Blutch par son dessin. Je trouve qu'il exprime beaucoup son coup de pinceau, son coup de crayon exprime beaucoup, même si c'est quand même assez réaliste comme dessin. Mais aussi ce que j'aime, c'est un peu ces espèces de récits qui ne sont pas j'aurais envie de dire des narrations un peu abstraites. C'est-à-dire que des fois, tu comprends pas tout de quoi il te parle ou où est-ce qu'il veut t'amener, mais tu suis, puis t'as un voyage super agréable. Ça me fait penser quasiment du Bertrand Blier ou même certains Fellini où ça évolue vers... Tu comprends pas trop vers où ça évolue, mais t'es happé quand même, puis tu suis la vague, tu suis le flot de l'histoire. Notamment, il y a un ton onirique dans la volupté. Comme si on était dans un rêve avec sa logique interne qui n'est pas notre logique à soi. Oui, mais il a fait aussi des super livres comme Le Petit Christian qui est très drôle, puis Blotch, le roi de Paris, qui est pissé de rire. Absolument hilarant, oui, c'est ça. Ouais. Et on a vu, en fait, c'est intéressant de voir, en fait, les trois BD Tech qu'on découvre aujourd'hui. En fait, Philippe, il y avait beaucoup de Québécois. Michel qui s'est concentré sur le côté expérientiel où il y avait moins de Québec. De ton côté, tu as un titre québécois, c'est Rabagliati. Et tu as choisi Paul à la pêche dans le contexte de sa série. Tout simplement parce que c'est mon préféré. Puis que je trouve que, même si j'adore la bande dessinée, je trouve que des fois, l'émotion... personnellement, j'ai rarement beaucoup d'émotions fortes, pas au même titre qu'un film, par exemple, qui peut me faire pleurer ou avoir peur facilement. Je trouve que des fois, il y a des trucs qui sont plus difficiles à aller chercher. Puis Paul à la pêche, ça m'a rentré dedans. Encore là, je sais qu'il y a une portion où la femme de Paul perd son enfant qui a vraiment beaucoup marqué de gens. Mais moi, c'est une séquence avant où Paul et son père sont en canot, puis le canot sur le bord de couler. Puis le père est est en parfait contrôle, puis il ramène le canot sur une petite île ou un petit îlot, et là, le père éclate en sanglots. C'est là où il se permet de le perdre, le contrôle. Parce que là il y avait la chienne, tu sais, mais il voulait pas le montrer à son fils. Puis moi, ça m'a vraiment ému aux larmes, tu sais. Mais c'est un peu la qualité de Rabagliati, en fait. Je pense d'un pôle à l'autre, comme ça, il réussit à créer des moments d'émotion quand même assez fortes, assez solides, qui viennent marquer un peu. C'est souvent des albums dont on se rappelle justement ce moment-là où c'est venu nous happer personnellement au-delà de l'album intégralement. Oui, tout à fait. Et parallèlement, en fait, je pense en termes d'émotion, tu disais, bon, l'émotion, bon, peut-être plus humaine avec Rabagliati. Tu parlais de faire peur aussi ou d'amener dans des ambiances un peu plus particulières, cauchemardesques. Je pense que David B. s'inscrit bien là-dedans de son côté. Là. Oui, quand même. Lui, c'est un espèce de symbolisme à tout craint. C'est un espèce de. Encore là, c'est il y a beaucoup de d'autobiographie là dans cette section-là parce que je trouve que c'est un genre là qui est encore là très riche. Puis la Station du Haut Mal, cette espèce d'histoire d'un frère qui de l'auteur qui avait un frère épileptique. Sa relation avec lui, toute l'historique des traitements, tout ça, puis lui en même temps qui découvre un peu, je dirais, la culture, qui découvre la bande dessinée, puis qui, je sais pas, qui a une espèce de travail presque psychothérapeutique. Il est hanté par la maladie de son frère, à vrai dire, puis toute la famille vit en fonction de la maladie du frère aîné. Il y a toute l'espèce de folklore mystique aussi qu'on cherche au sein duquel on cherche la solution pour guérir le frère aussi, et les excès que ça emmène, ça vraiment c'est incroyable. Même en fait, j'aurais envie de dire de manière générale, David B., en soi, je veux dire, graphiquement au niveau, bon, c'est dans les premiers, je pense, avoir récemment commencé à raconter ses rêves, présenter un peu ce type d'univers-là, mais essayer de les apporter de manière cohérente et incohérente, avec toute l'incohérence des rêves, mais de manière très, très cohérente sur papier, puis donc d'essayer d'explorer un peu la thématique de ce qui se passe dans l'esprit, de ce qui nous hante, finalement, personnellement. Ce qui est magique en BD, c'est que faire l'équivalent au cinéma, en tant que spectateur, on se dirait « Wow, les effets spéciaux sont hallucinants ». En bande dessinée, c'est un dessinateur avec un crayon. Mm-hmm. Alors, quand il bascule dans l'onirique, dans les monstres, dans un chevalier samouraï ou dans un chirurgien qui enlève le cerveau pour soigner son frère, on est encore dans le même style graphique. Il y a pas de cassure. Fait que ça fonctionne à plein. Et sinon, toujours dans le style un peu plus documentaire, peut-être aussi, Les Ignorants d'Étienne Davaudeau, qui s'est imposé comme un des incontournables de la production récente en BD. Là. Oui, c'est ça. Mais mes dernières BD suggestions sont plus récentes. Ben, Les Ignorants, c'est ça. En plus, je l'ai lu, j'étais à Bordeaux à ce moment-là, donc Le Pays du Vin. Puis, il était sous, dis-le donc. Ouais, parce que j'ai tout testé les vins à suggérer à la fin. Là. Non, mais c'est le genre de truc que tu dis, ah ouais, ça va-tu être vraiment intéressant, ça? Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de ponts entre ces deux domaines-là qui ont l'air complètement éloignés. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le récit d'initiation croisée. Enfin, un bédéiste qui s'initie à la viniculture, un viniculteur qui s'initie à la BD. Oui, exactement. Puis c'est de voir un peu les préjugés de chaque côté qui sont un peu démolis ou... Quand Davaudeau jette une coupe de vin qui devait coûter 200$, puis que le viniculteur dit « Ouais, mais tu ne trouvais pas bon. » « Bois-le pas, tu ne trouvais pas bon. » Puis un peu la même chose qui arrive quand le viniculteur va voir une expo de Moebius, puis il dit « Ouais, c'est ordinaire. Là, t'sais. C'est pas terrible, là, puis c'est Moebius. » Mais en même temps... C'est toute la subjectivité de la chose. Et autre titre, on passe à Pinocchio de Winchlus. Oui, ça c'est une lecture du mois dernier parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de récent. Puis un peu comme Michel dit, c'est qu'on en lit souvent de la bande dessinée, puis des titres qui nous marquent, ça arrive un peu de moins en moins souvent. Mais ça, ce Pinocchio-là m'a quand même assez marqué par son côté très très sombre, une espèce de graphisme aussi un peu rétro. C'est tordu, c'est tellement tordu. Ah, c'est une question de sanité publique, il faut dire. Parents, ne faites pas lire ça à vos enfants. Là. Non, c'est non, non, c'est ça. Ça n'a rien c'est à voir. C'est comme le Peter Pan de Loisel. C'est pas mal pire. Ah non, non, hey, wow. Non, c'est ça. C'est assez hardcore, quand même. C'est, carrément, c'est ça. Puis moi, j'étais curieux de connaître Winchlus parce que j'avais beaucoup aimé le film de Marjane Satrapi sur Persepolis. Et puis, Winchlus était co-réalisateur. Mais je connaissais très peu son travail en bande dessinée. Puis là, ben, c'était l'occasion de le découvrir. Là, je viens de lire une autre BD de lui là, qui parle de Dieu. Là, ah ouais, qui est un peu du même ordre. Et dernier titre de ta BD Tech, et on reste dans le récent, fait un auteur qu'on a eu l'occasion de recevoir ici à Québec il y a quelques années, Nicolas Dumonteuil, et sa BD Bigfoot. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça un ami. Là. Non, c'est bon, c'est très non, bon. Non, c'est super bon. C'est en fait un western, puis je l'ai mis là parce que moi, je suis pas un fan de western. Fait que pour, tu sais, que j'ai envie de lire trois bandes dessinées de western, faut que ça soit bon. Puis Bigfoot, ça marche au bout, les dialogues sont super bons, c'est drôle, c'est une adaptation d'un roman, d'une nouvelle de Richard Brodican, mais qui dévie, duquel il dévie beaucoup là du livre original. Puis c'est une espèce de ça commence comme un western, puis ça finit par un truc avec des savants fous. C'est comme si t'as tous les ingrédients de western, t'es mis ensemble, mais c'est pas vraiment un western. Ça donne pas un western, ouais. C'est j'imagine l'idée justement d'aller au-delà du stéréotype, de prendre les stéréotypes, mais de les incarner autrement pour amener le récit ailleurs, d'où on se serait attendu qu'il aille, dans le fond. Oui, ben tout à fait. Puis c'est ça. Puis je trouve que Nicolas Dumonteuil, il a été beaucoup, on a beaucoup parlé de lui à l'époque de Qui a tué l'idiot. Puis je trouve que malheureusement, ces nouvelles sorties sont pas suffisamment bien. On n'entend pas assez parler, alors que je trouve que c'est quelqu'un d'assez majeur. Là. Et ne vous inquiétez pas, auditeurs, auditrices, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter les titres dont on a parlé au fil des 90 dernières minutes. Elles sont en ligne sur laviesenbd.wordpress.com. Vous pouvez les retrouver aussi sur le Twitter de CKRL, donc @CKRL891. Alors, je remercie beaucoup mes invités. Donc, Philippe Girard, merci. Merci. Dernier album, Love Apocalypse, je le rappelle, chez Mécanique Générale. Tu seras également au Festival de la BD de Québec en dédicace et activité. Jeudi soir et samedi après-midi, oui. Francis Desharnais, dernier album, Chroniques d'une fille indienne. Tu seras aussi au Festival de la BD, dédicace, activité, animation, etc. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Et Michel Giguère, prochain rendez-vous de la BD, c'est mercredi le 9 avril. C'est avec Grégor Rosinski, l'auteur de Torgal, incontournable. Alors, j'y serai. Oui. Merci beaucoup, Michel. Alors, merci beaucoup à vous trois. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous au Radioton 2014 de CKRL.